En Corée du Sud, le comité d'éclaircissement du dessous de la catastrophe de Ryongsan a tenu le 26 juin une conférence de presse devant le siège de la préfecture de la police à Séoul pour réclamer l'éclaircissement du dessous du meurtre par la police des évacués de Ryongsan en 2009, les excuses et la punition du responsable, apprend-on du journal internet sud-coréen Chamsesang.